Une carte postale d'année dernière où tu cours pieds nus vers la mer. On regardait passer les voiliers, on s'était à peine embrassés. À l'ombre des maisons de pierre, blonde en été, rousse en hiver, j'étais amoureux de la pluie et amoureux de toi aussi. Deauville, Niémen, Normandie, Deauville, je ne t'ai pas tout dit. Deauville, sans toi aujourd'hui, Deauville, comment vivre ici? Avec les marées qui reviennent, comme un Beatles à peine ilaine, avec des vagues de solitude et ce chagrin qui vient du sud, je voudrais nous revoir ensemble avant l'orage, avant septembre. J'étais amoureux de la pluie et amoureux de toi aussi. Deauville, Niémen, Normandie, Deauville, je ne t'ai pas tout dit. Deauville, sans toi aujourd'hui, Deauville, comment vivre ici? Deauville, Niémen, Normandie, Deauville, je ne t'ai pas tout dit. Deauville, sans toi aujourd'hui, Deauville, comment